aux nouvelles générations. Mais deux os, des milliers d'euros, ma rémunération. Du pif, du pif. À l'affût du moindre écu, mon frère, s'il y avait des bites par terre, y'en a qui marcheraient sur le cul. Prends mes lyrics, pas un trap veineux, c'est trop par habitude. Paralysé par le bitume, toujours avec les robes, le blanc rouge, triste décor. Paris la nuit, les haineux, ma clique, rien ne les aime, ma clique, rien ne les blesse, bâtard. Mon son n'est jamais fouillé, quand il pleut, on se mouille, quand ça tire, tu te fais douiller. Y'en a qui trouvent ça malheureux, ma parole ils comprennent pas. C'est œil pour œil, ici l'aveugle, les rois, quiconque me défie peut se méfier. Au mic, tu fais flipper mortel, des vilains comme NGF. Flingue à la ceinture, le pack il tombe bien. Alors négro, tu fais moins le malin. Deux, trois balles dans les vertèbres, hein. Rouge est mon histoire, courte est l'existence. Noires sont mes larmes, respiratoires et l'assistance. Alerte aux météorites, c'est horrible. À peine entré dans l'atmosphère, j'opère, c'est horrible. Alors les porcs voudraient me faire taire. Menottes dans le dos, genou à terre. Parce que je milite, irrite, mes lyrics sont militaires. Oh, FLO nouvelle génération. B2O, des milliers d'euros, ma rémunération. Ni bronze, ni argent, que de l'or. Négro, dehors la météo affiche poups, le météore. Météorite en visu, panique dans le ciel. De mon vivant, je verrai pas de négro. Au présidentiel, je crois plus en grand chose. Sans foi ni pif, ma vie est fichue, osé. M'enlever ces deux-là sur la bible, je vais tout exploser. Hey, passe-moi le micro, les clés du coupé. Que je parte au bout du monde, chanter ma couleur. La France, je vais pas la louper en direct live de ma douleur. Moi, je suis de ceux qui en bavent. Neuf de idéambule entre cadavres et blessés graves. J'arrête pas de pleurer mon peuple. La haine, ça se cultive, j'ai pas le choix. Tu veux que je te dise l'esclavage, pire que la Shoah, faire couler des larmes de plomb. Moi j'y arrive, nager le crawl parmi les grands plans. Loin de la rive, avant ils disaient que j'étais le diable. Aujourd'hui je suis populaire, sagittaire avec un gun, je dépends d'un autre système lunaire. Minuit c'est l'heure du crime, je baisse comme Emile Louis. Demande à Massa, a.k.a. Don Milozzi. Alerte aux météorites, c'est horrible. À peine entré dans l'atmosphère, j'opère, c'est horrible. Alors les porcs voudraient me faire. Menottes dans le dos, genou à terre. Parce que je milite, irrite, mes lyrics sont militaires. Oh, FLO nouvelle génération. B2O, des milliers d'euros, ma rémunération. Ni bronze, ni argent, que de l'or. Négro, dehors la météo affiche poups, le météore. Tu connais la musique, tu m'écoutes pas si tu m'aimes pas. Tu de la peine, fais de la peine, nous on te calcule même pas. Numéro 10, on marque des buts, j'y rêve de ma chute. Fils de pute, pute. FLO nouvelle génération. B2O, des milliers d'euros, ma rémunération. Ni bronze, ni argent, que de l'or. Négro, dehors la météo affiche poux, le météore. Pro, c'est tout ce qu'il mérite. Piaf, poux, le météorite. 9, 2, alerte aux météorites, c'est horrible. À peine entré dans l'atmosphère, j'opère, c'est horrible. Alors les porcs voudraient me faire taire. Menottes dans le dos, genou à terre. Parce que je milite, irrite, mes lyrics sont militaires. Oh, FLO nouvelle génération. B2O, des milliers d'euros, ma rémunération. Ni bronze, ni argent, que de l'or. Négro, dehors la météo, affiche poups, le météore.